Vous écoutez Rock de Neurone, une émission qui est consacrée au rock progressif sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley. Je vais vous accompagner pour les deux prochaines heures, durant lesquelles on va entendre Karmamoi d'Italie, Dwiki Darmawan d'Indonésie, The Tangent. On revient sur cet excellent album-là qui a fait... beaucoup de bruit cet automne. C'est un album qui est dans le top 5 de la plupart des amateurs de rock progressif. Alors, on va passer un dernier extrait de cet album-là. C'est la troisième semaine qu'on en joue. On aura aussi Pendragon d'Angleterre. On aura Crystal Palace d'Allemagne. Indigo Storm des États-Unis. Alors, toutes les pièces que je viens de nommer, ce sont des nouveautés de 2018. Et pour conclure l'émission, on va faire un petit retour en arrière en 1970 avec Egg. On aura aussi Duncan McKay de la même période et Khan en 1972. Ça, c'est un groupe britannique. Là. Je parle de Khan, K-H-A-N, et non pas de Khan, C-A-N, le groupe allemand. Alors, Karmamoi. Alors, qui sont Karmamoi? Karmamoi, c'est un groupe de prog italien qui existe depuis 2010. C'est un groupe qui, au début, était constitué de 5 musiciens. Aujourd'hui, pour le 4e album qui est paru il n'y a pas très longtemps, l'album s'intitule The Days Gone. Alors, sur cet album-là, on retrouve un noyau de 2 musiciens, dont Daniel Giovannoni, qui est le seul des 5 musiciens originaux qui est toujours avec le groupe. Et puis le noyau est complété par Alex Massari à la guitare. Alex Massari, lui, qui s'est joint au groupe lors de l'enregistrement du 2e album qui est paru en 2012-2013. De toute façon, ce qui est à noter ici, c'est qu'ils sont accompagnés de 8 musiciens invités, dont la chanteuse Sara Rinaldi. C'est une chanteuse que je découvre, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et aussi, parmi les 8 musiciens, on retrouve Colin Edwin, le bassiste de Porcupine Tree. Alors, c'est pas rien. Et il y a aussi Jeff Lay. Ça, c'est un flûtiste qui, auparavant, était de la formation Henry Cow. Alors, ce sont des musiciens aguerris avec un bagage assez intéressant. Et c'est assez éclectique, là. Alors, on va aller tout de suite écouter ça juste pour ajouter la précision, disons que le site Prog Archives les a catégorisés comme Heavy Prog. Moi, je serais plutôt porté à les associer au Néo Prog. Alors, trêve de définition, je vous invite à vous faire votre propre idée. Alors, voici Karmamoi. Say Now you're gone. Birds fly over the sky. Thank you. Là, c'était Karma Moi, ou plutôt Karma Moi. Ça, c'est un groupe italien qui chante en anglais. C'est un peu une tendance que j'observe là, depuis quelque temps. Les groupes de rock progressif italiens ont opté en général pour l'anglais. Moi, je trouve ça bien dommage, mais de toute façon, je pense que c'est pour être plus visible, je pense, du côté international. Mais il reste que mes préférences dans le rock progressif italien vont aux artistes qui décident de garder leur langue. Alors, après la pause, Dwiki, Dharma One et The Tangent. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on va débuter ça avec un musicien indonésien. C'est pas fréquent qu'on va du côté de l'Indonésie. Il y a peu de groupes de rock progressif et en général, ce sont des groupes qui sont assez heavy. Là, on va avoir du jazz fusion et le musicien, c'est Dwiki Dharmawan. C'est un musicien qui a déjà 6 albums à son actif. Le dernier, c'est Ruma Batu et on va entendre la pièce Paris Barantai. Et on va conclure avec The Tangent. Et en fait, qu'on a joué l'album Proxy, on l'a joué au complet. En fait, on finit aujourd'hui, ça fait déjà 3 semaines qu'on présente des pièces de cet album-là. Alors, on va conclure avec la pièce titre de l'album Proxy. Alors, on débute ça avec Dwiki Dharmawan. Thank you.

We often trample the flies. changing how we see the world. I'm not immune. Prime time catastrophe. Somehow we all became analysts while dancing to the same old tune. All of that time seems wasted. All of it seems wrong. Lost in a world of correspondence where the bold and italics have gone. And there will be no comeback for the things of which you're accused. You do it all by proxy, and the truth is just fake news. You never get your minions caused to believe a word you say. But with a sock puppet Et ce que vous venez d'entendre, c'est The Tangent et la pièce-titre de leur plus récent album, Proxy. Et en début de bloc, nous avions d'Indonésie le musicien Dwiki Darmawan et la pièce Paris Berentai. Ça, c'est tiré de son sixième album, le plus récent, Rumah Batu. Après la pause, Pendragon, Crystal Palace et Indigo Storm. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Voici donc rendu au troisième bloc de l'émission et le temps nous bouscule, alors je vais un petit peu accélérer dans le sens que je vais décrire les pièces, mais sans trop donner d'informations. Vous pourrez aller voir sur la page Facebook de l'émission, de toute façon, le libellé ou la feuille de route au complet de ce qui est présenté aujourd'hui. Alors, on aura Pendragon, le groupe britannique qui ont redonné au prog ses lettres de noblesse dans les années 80 après un passage à vide assez long, d'une décennie au moins. Et lui, Pendragon, ben, c'est quand même assez prolifique. On est rendu déjà depuis 1985 à 19 albums studio. Puis ce que je vous propose aujourd'hui, bien, c'est un extrait de l'album Pure qui est paru en 2008 et la pièce s'intitule Indigo. Et ensuite, nous irons du côté de l'Allemagne avec Crystal Palace. Ça, c'est un groupe un peu métal, mais qui fait aussi un peu symphonique. Ils ont 8 albums studio. Le dernier, c'est Scattered Shands et on va entendre la pièce titre. Et pour conclure, ben, je vais aller du côté un peu rock, stoner, avec Indigo Storm. C'est un nouveau groupe des États-Unis. Alors, on débute ça avec Pendragon. Yeah. darker, wear my coat of many colors. In some way, it covers where I'm from. So you drag your life through the dust, across the rainbow, sunset skies. My wishes always. Problems will come and go. sticks and stones bruise my broken body to the bone. Cut the chill inside me, walked on glass. For the longest time now, scattered shards and these open wounds to show. That red moon shines its light upon me, bitter taste from cigarettes and coffee, waiting for the first rays of the sun. Time to leave the cage I once called home. I finally Process. I just know what I want and I need. To ask why is not your business. You can talk, but your actions will speak. Don't worry how I got here. Just know that my time here is brief. Don't worry how I got here. Just remember nothing is free. Oh, nothing is free. Alors, c'était Indigo Storm des États-Unis. Ça a été précédé de Crystal Palace d'Allemagne. Et en début de bloc, nous avions Pendragon. Si vous voulez voir la liste des pièces et des albums, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Après la pause, on retourne en 1970 avec Egg, Duncan McKay et Khan. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, c'est déjà le dernier bloc de l'émission et comme je le mentionnais avant la pause, on va aller du côté des années 70 et on va débuter ça avec Egg. Ça, c'est un groupe culte du rock progressif avec trois albums, un en 70, l'autre en 71 et le dernier en 74. Ça a quand même donné le coup d'envoi à plusieurs autres groupes. Egg, les membres de Egg ont finalement abouti un peu partout, là, avec Hatfield and the North, Khan, et j'en passe et j'en passe. Alors, en hommage à ce groupe-là, moi, je retourne avec The Police Force, l'album qui est paru en fait en 1971. J'ai dit 70, mais c'est 71, cet album-là. Et on va entendre A Visit to Newport Hospital. Et après ça, on va aller avec Duncan McKay. Duncan McKay qui n'est pas très connu et avec une discographie pas très généreuse non plus, mais c'est que le gars a été un petit peu malchanceux. La revue Prog britannique l'a considéré comme un des 20 meilleurs claviéristes de tous les temps. Le problème, c'est qu'en 1974, il a fait paraître un album qui a été très bien perçu par la critique. Par contre, au niveau commercial, ça a été un échec parce que, bon, on se rappelle, en 1974, il y avait quand même pas mal de monde dans le trafic. Là. On parlait à l'époque de Yes, Genesis, Gentle Giant, et du côté italien, là, c'était assez prolifique aussi. Alors, Duncan McKay a passé inaperçu par le côté commercial, mais c'est un musicien extraordinaire qui a été... récupéré là, à l'époque par Alan Parsons. Alors, il a fait partie de Alan Parsons Project. Il a aussi fait partie de Camel. Il a été musicien avec Kate Bush aussi. Alors, sa discographie, je mentionnais 5 albums, le premier en 1974 et le dernier en 2017. Et c'est cet album-là que je vous propose aujourd'hui. C'est un album où il joue seul du clavier, accompagné à la batterie d'un dénommé George Voros. C'est un batteur qui vient d'Afrique du Sud, qui est très connu dans cette partie-là du monde. Et c'est assez inusité d'avoir un album où il y a deux musiciens. Et la pièce, ben, c'est Fanfare for an Uncommon Man. Ça, c'est un clin d'œil avec Emerson, Lake and Palmer, bien entendu, qui a fait à l'époque Fanfare for the Common Man. Alors, cette pièce-là, ben, elle est tirée de l'album The Bletchley Park Project. Et en fin de bloc, on va terminer l'émission et la saison 2018 parce qu'on fait relâche dans le temps des fêtes. Je termine ça avec un album que j'écoute depuis sa sortie en 1972. Je ne me lasse jamais. Il s'agit de Khan et l'album Space Shanty. Je vais vous proposer la pièce Mixed Up Men of the Mountains. Alors, on débute ça avec Egg. We'll be right back. the hang-ups and the lack of bread. There were four of us then, the group was Uriel. We played five nights a week at Bright Castle Hotel. We spent our time avoiding skinheads and the law. It was a freedom that we'd never felt before. And now we're doing this instead. Thank you. Alors ça, c'était Khan et la pièce Mix Up Men of the Mountain. Ça, c'était sur Space Shanty. C'est paru, en fait, c'est sorti en juin 1972. Et auparavant, nous avions Duncan MacKay et la pièce Fanfare for the Uncommon Men. Ça, c'est tiré de l'album The Bletchley Park Project. Et en début de bloc, nous avions Egg et la pièce A Visit to Newport Hospital. Ça, c'est tiré de The Polite Force, paru en 70. Alors, ça, c'est la dernière émission de l'année 78 sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Je reviens en ondes le 14 janvier 2019. Et entre-temps, si vous voulez écouter du rock progressif, eh bien, j'aurai deux émissions spéciales que vous pourrez écouter sur SoundCloud. La première, le 24 décembre, je vais faire passer en reprise une émission qui sur le rock progressif italien des années 70. Ça, c'était enregistré en l'été 2017. Et le 31 décembre, j'aurai la deuxième partie qui est du rock progressif italien des années 2000. Alors, il y aura une émission aussi en reprise, mais là, cette fois-ci, sur les ondes de C'est fou, le 7 janvier. Alors, je passe le message d'aller consulter la page Facebook de l'émission pour avoir l'information la plus exacte et actuelle. Et d'ici ce temps-là, bien, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et ceux qui voudront nous écouter dans le temps des fêtes, ça sera en reprise et sinon, on se revoit le 14 janvier 2019.